still searching around. I can't do this anymore. So give me your love. Thank you.

jamais trop tard. Panne de réseau, naissance d'un espoir. On est dépossédé, dépossédé. Max de son dance floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. So addicted to your baby. Now I'm addicted to your touch. I'm so excited. I'm addicted to your baby. Now I'm addicted to your love. Dancefloor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Every day is so valuable. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Thank you.

s'arranger. Après l'hiver, c'est l'été, tout va s'arranger. Penser à demain. De son dance floor.

Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Radio Mixplore. Un max de son dance floor. Radio Mixplore, un max de son dance floor. Radio Mix Floor. Radio Mix Floor, un max de son dance floor. One. Yeah. Radio Mix Floor. Ah yeah. Ah, ah, ah, ah, yeah. Un max de son dance floor. Together.